الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فتح الله به أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفا جمع الله به من الفرقة وأعز به من الذلة وأغنى به من بعد الفقر والعالة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أما بعد أيها الناس إن الحديث عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حديث يهم الجميع ويتأثر به كل واحد منا يتكلم فيه القلب قبل اللسان الحديث عنه حديث عن الإسلام حديث عن القرآن حديث عن المبعوث رحمة للعالمين وسيد ولد آدم أجمعين وإمام المتقين الذي شهد له ربه بأنه على خلق عظيم وبالمؤمنين رؤوف رحيم حديث عن خليل رب العالمين وأول شافع يوم الدين الذي تستفتح له أبواب الجنة الذي تستفتح له أبواب جنات النعيم يقول الله سبحانه وتعالى ممتنا به على عباد المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال ابن جرير المفسر الكبير رحمه الله تعالى يعني بالنور محمدًا صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله بالحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك فهو نور لمن استنار به صلى الله عليه وسلم هذا الرسول الكريم جاءنا بعد انتشار الشرك والجهل والظلم فدعا الناس إلى إفراد الله بالعبادة إلى العلم النافع والعمل الصالح فصلحت أمور الناس ونالوا السعادة ألا واعلموا يا عباد الله أن من أعظم واجبات الدين محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كذا قال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى فمن واجبات الإيمان محبة سيد ولد آدم التي افترضها الرحمن على جميع الثقلين الإنس والجن نحبه لأن حبه واجب ديني نحبه لأنه أحب الخلق إلى الله الودود وهو خليله صلى الله عليه وسلم نحبه لكمال أخلاقه الكريمة نحبه لأن الله اختاره نبياً رسولاً داعياً إلى سبيل رضوانه سبحانه وتعالى نحبه لأنه قد قام بمهمته على أتم الوجوه نحبه لكمال رحمته لأمته ورأفته بها نحبه لشدة حرصه على هدايتها في الدنيا ونجاتها في الآخرة أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، قول إبراهيم عليه السلام، وكذا قول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد وسله ما يبكيك. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، والله أعلم، فقال: أمتي أمتي. فرجع جبريل إلى الله عز وجل وبلغه، والله أعلم، فقال: ارجع إلى محمد وقل له: إننا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب النفس، قلت: يا رسول الله، ادعو الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعائشة، اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنوبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة رضي الله عنها، فضحكت عائشة رضي الله عنها حتى سقط رأسها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم من الضحك. فقال: أيسرك دعائي؟ قالت: وما لي لا يسرني دعاؤك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إنها لدعوتي لجميع أمتي في كل صلاة، والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. صححه العلامة الألباني في السلسلة. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أكمل الناس إيمانا وصدقا، كانوا أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تعرف قوة إيمانك وصدقك، فقس حبك بحبهم وتضحيتك لهذا الدين مع تضحيتهم. قال أنس رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم. كيف لا نحبه صلى الله عليه وسلم هذا الحب، وقد قال كما جاء عند النسائي وجود إسناده الألباني رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكانوا في المقبرة، قال: وددت أني قد رأيت إخواني. قال الصحابة: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، أنتم أصحابي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إخواني لم يأتوا بعد، يود أحدهم لو أن رآني بأهله وماله. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى رؤيتك يا عبد الله، أفلا تحب أنت أن تراه؟ أفلا تحب أنت رؤيته صلى الله عليه وسلم؟ فهذا أبو بكر صاحب هجرة، صاحب الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي أمامه تارة ويمشي وراءه تارة. فاستغرب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فقال أبو بكر: إذا تذكرت الطلب أي العدو كنت وراءك، وإذا تذكرت أذية الطريق كنت أمامك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابنا شيء أتحب أن يقع عليك أنت؟ فقال: أجل يا رسول الله، إن أمت وحدي، وإذا أما أنت فإن معك الرسالة. فضحى أبو بكر بنفسه وماله للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال يوم النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني ما نفعني أبو بكر بماله وأهله، ما نفعني أحد بماله كما نفعني أبو بكر بماله وأهلي. فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله رضي الله عنه. ولما أسلم أبوه أي أبو قحافة رضي الله عنه عام الفتح، جاء معه أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام وأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى أبو بكر فاستغرب من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال: لوددت أن هذه اليد يد عمك يا رسول الله، وأن يسعدك الله بإسلام عمك. سبحان الله، فيفرحون بفرحه ويحزنون لحزنه. وهذا سواد في غزوة بدر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف، وكان المشركون يومئذ قريب 1000 والصحابة 300 تقريبا، فعدل النبي صلى الله عليه وسلم سواد بالنقيب، فقال: سواد أوجعتني يا رسول الله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم القضيب وقال له: خذ حقك مني. ورفع عن بطنه الشريف، فجاء سواد والصحابة ينظرون إليه، فآوى إلى بطنه وقبل بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم. فاستغرب من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما هذا يا سواد؟ فقال سواد رضي الله عنه: إن الأمر كما ترى يا رسول الله، نحن بين الحياء والموت، وأردت أن يكون آخر العهد من الدنيا أن يمس جلدي جلدك. فرضي الله عن سواد. ولعل نكتفي بهذا في الخطبة الأولى، وبقية الكلام في الخطبة الثانية، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، sachez que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم est celui qui nous a transmis le message de la manière la plus parfaite. Il a conseillé sa communauté. Par lui, Allah subhanahu wa ta'ala fit sortir les gens des ténèbres vers la lumière, de l'ignorance vers la science, du polythéisme vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par lui, Allah azza wa jal a réuni les cœurs et les corps. Par lui, Allah tabaraka wa ta'ala a enrichi les habitants de la péninsule arabique, puis les autres. Par lui, Allah subhanahu wa ta'ala fait se lever la ilaha illallah sur l'ensemble des mondes. Par lui, Allah tabaraka wa ta'ala a rétabli l'ordre sur la terre. Les compagnons avant sa venue, ou l'ensemble des gens avant sa venue, étaient dans un égarement évident. Ils adoraient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, se combattaient, ils étaient divisés et plongé dans le paganisme, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala ait voulu pour les gens un grand bien. Il nous dit dans son livre: Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes qui leur récite ses versets, les purifie et leur enseigne le livre ainsi que la sagesse, alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Il nous dit également dans son livre, « Vous est venue une lumière et un livre explicite. » Ibn Jarir, le grand exégète du Coran, nous dit, « Ce qui est voulu par la lumière dans ce verset, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avec lui, Allah a illuminé la vérité. Et celui qui recherche la lumière et la guider la trouve par sa cause. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de nombreux droits sur nous. Et parmi les plus grandes obligations religieuses, le fait de l'aimer, sallallahu alayhi wa sallam, d'un amour religieux, sans exagération, au point de l'élever au niveau de divinité, et sans manquement, en parlant mal de lui autre, mais d'un amour religieux. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit, parmi les plus grandes obligations religieuses concernant la foi, le fait d'aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous l'aimons car c'est un ordre religieux que de l'aimer. Nous l'aimons car Allah subhanahu wa ta'ala lui-même l'a aimé. Nous l'aimons car c'est l'homme qui a eu les meilleurs caractères et le meilleur comportement. Nous l'aimons car Allah subhanahu wa ta'ala a choisi en tant que prophète et messager. Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit, Allah a regardé dans le cœur de ses serviteurs. Il a vu que le cœur le plus pur était le cœur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a donc choisi et élevé au niveau de prophète et messager. Il l'a envoyé avec son message. Nous l'aimons car c'est celui qui a le mieux transmis la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'aimons car il a aimé sa communauté, a voulu pour elle le bien. Il avait de la pitié et de la miséricorde envers elle. Il a voulu le bien pour elle dans ce bas monde et son secours dans l'au-delà. Amr, ou bien Abdullah ibn Amr radiallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu deux passages du Coran qui sont la parole d'Ibrahim alayhi salam ainsi que celle de Isa. Ô mon Seigneur, elles ont égaré beaucoup de tes serviteurs, c'est-à-dire les idoles. Celui qui me suit fera partie de moi et celui qui me désobéit, tu es certes pardonneur et miséricordieux. Et la parole de Isa, si tu les châties, ce sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, tu es certes le puissant et le sage. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ces deux versets, il a levé ses mains vers Allah et a dit, « Ô Allah, ma communauté, ô Allah, ma communauté !» Puis il s'est mis à pleurer sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah a dit, « Ô Jibril, rends-toi auprès de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et demande-lui la cause de ses larmes. » Jibril alayhi salam est venu trouver Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, « Pourquoi est-ce que tu pleures ?» Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ma communauté !» Jibril alayhi salam est remonté auprès d'Allah et lui a transmis le message. Et Allah azza wa jal est plus savant. Puis Allah renvoya Jibril alayhi salam trouver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de lui dire, nous allons te donner ce dont tu seras satisfait envers ta communauté et tu ne seras pas déçu. Voici la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers vous, envers sa communauté, chers frères. Aïcha radiallahu anha nous dit, un jour, j'ai vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de bonne humeur. Je lui ai donc dit, ô messager d'Allah, invoque Allah en ma faveur. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Allah, pardonne à Aïcha. Ô Allah, absous les péchés de Aïcha. Ce qu'elle a fait dans le passé et ce qu'elle fera dans le futur. Ses péchés commis en public et ses péchés commis en secret. Alors Aïcha s'est tellement réjouie de cette invocation qu'elle s'est mise à rire. Elle s'est mise à rire à un point tel que sa tête est tombée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, cette invocation t'a plu, ô Aïcha? Alors Aïcha radiallahu anha a dit, et comment est-ce qu'elle pourrait ne pas me plaire au messager d'Allah? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sache que c'est l'invocation que je fais pour ma communauté dans chaque prière. Sache que c'est l'invocation que je fais pour ma communauté dans chaque prière. sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons sont ceux qui ont le mieux aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui veut savoir le niveau de son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il compare son amour à celui des compagnons. Celui qui veut savoir ce qu'il a fait pour l'islam et ce qu'il a fait pour secourir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il compare ses actions, qu'il compare sa croyance, qu'il compare ses paroles et ses agissements à ceux des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas radiallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas, tant qu'il ne m'aimera pas plus que son propre père, tant qu'il ne m'aimera pas plus que ses enfants et que sa propre et que l'ensemble des gens. Les frères, ne vous appuyez pas sur la cloison qui sépare entre les hommes et les femmes. Évitez de vous appuyer sur la cloison qui sépare entre les hommes et les femmes. Barakallahu fikou. Voilà comment nous devons aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous l'aimons car il aurait espéré nous voir sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'un jour ils étaient au cimetière, les frères, lorsque des responsables de la mosquée vous demandent d'avancer, vous demandent de reculer, vous demandent de vous déplacer, pourquoi est-ce que vous n'obéissez pas? Lorsqu'il vous donne un conseil, c'est pour le bon déroulement de la khutbah. Ça n'est pas pour vous nuire. Wallahul musta'an. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour en présence de ses compagnons au cimetière, il a dit: j'aurais tant aimé voir mes frères. J'aurais tant aimé voir mes frères. Alors les compagnons se sont étonnés et ont dit: ô messager d'Allah, ne sommes-nous donc pas tes frères? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu: vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui vont venir après vous. L'un d'entre eux aurait donné tout ce qu'il possède et sa famille pour me voir. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait donc aimé te voir, toi, le musulman d'aujourd'hui. Toi, le monothéiste d'aujourd'hui, celui qui se prosterne, qui jeûne, qui fait la prière, qui accomplit le pèlerinage, qui fait des aumônes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait aimé te voir. Comment est-ce qu'après tout ça, on pourrait ne pas aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Thauban, ou avant cela, Abu Bakr, radiallahu anhu, a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de l'ensemble des créatures. C'est son compagnon durant l'égir, lorsqu'il est parti de Mecca à Al-Madinah. Et en chemin, il marchait tantôt devant lui, tantôt derrière lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Abu Bakr, pourquoi est-ce que tu fais cela? Abu Bakr lui a dit: lorsque je me rappelle les ennemis à nos trousses, je me mets derrière toi. Et lorsque je pense à la nuisance qui peut t'arriver en chemin, aux nuisances qui pourraient t'arriver en chemin, je me mets devant toi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: oui, mais s'il nous arrive une chose, est-ce que tu veux que ça te touche toi? Abu Bakr a dit: certes, au messager d'Allah, car si je meurs, je mourrai tout seul. Mais toi, tu portes avec toi le message. Donc il était prêt à sacrifier sa propre vie pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque son père s'est converti, l'année de l'ouverture de la Mecque, il l'a amené auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait atteint un âge avancé, avait perdu la vue. Il a pris la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui prêter allégeance et se convertir à l'islam. Alors Abu Bakr a fondu en larmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: oh Abu Bakr, pourquoi est-ce que tu pleures? En d'autres termes, ton père s'est converti à l'islam. Tu dois être joyeux, pourquoi est-ce que tu pleures? Alors Abu Bakr a répondu: ô messager d'Allah, j'aurais tant espéré que cette main soit la main de ton oncle Abu Talib à la place de la main de mon père. Subhanallah. J'aurais aimé qu'Allah t'honore et rentre en toi la joie à la vision de la conversion de ton oncle à l'islam. Donc ils préféraient ce qu'aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce qu'ils aimaient eux-mêmes. Et les tristesses du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient leurs tristesses. Et voici Sawad, radiallahu anhu, à la bataille de Badr. Les associateurs étaient environ 1000 et les musulmans environ 300. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rangé les rangs. Et Sawad était quelque peu en retrait où il s'est avancé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un petit bâton et il lui a fait signe de reculer en appuyant sur son ventre. Alors Sawad lui a dit: ô messager d'Allah, tu m'as fait mal. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui avait peur de l'injustice, celui qui avait peur de rencontrer Allah Azza wa Jal avec une injustice, a dit: prends le petit bâton et prends ton droit sur moi. Et il a soulevé son vêtement et il lui a dit: remets-moi un coup au ventre. Alors Sawad ibn Aziyya radiallahu anhu est venu, il s'est baissé et a embrassé le ventre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons se sont étonnés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit: ya Rasulallah, comme tu vois, nous sommes entre la vie et la mort et le combat va commencer. J'ai donc voulu que la dernière chose que touche ma peau dans ce bas monde si je meurs soit la tienne. Subhanallah. Thawban radiallahu anhu, il aimait tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne trouvait pas le repos loin de lui. Un jour il est venu, il avait perdu du poids, son visage avait changé de couleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: qu'est-ce qui t'arrive au Thawban? Alors Thawban radiallahu anhu lui a dit: je ne suis pas malade, je n'ai aucun problème si ce n'est que lorsque je suis loin de toi, je me sens seul. Lorsque je suis loin de toi, je me sens mal et je ne trouve la tranquillité qu'après t'avoir revu, au messager d'Allah. Et je me suis rappelé la mort et l'au-delà. Et lorsque toi tu vas mourir, je sais que tu seras élevé au niveau des prophètes et des messagers. J'ai donc peur, si je rentre au paradis, de ne plus jamais te voir, au messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu et n'a pas répondu. Car il ne parlait pas sans science. Puis Allah azza wa jalla a révélé: وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Celui qui obéit à Allah et au messager, voici ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Ils seront avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les gens pieux. Et quelle bonne compagnie que cela. Alors Thawban a pu enfin goûtez à la tranquillité. Et ne pensez pas que cela était propre aux hommes, mais même les femmes. Une des femmes de Banu Dinar, au retour d'une guerre, elle attendait son père, son époux et son frère. Lorsqu'ils sont revenus de la bataille, on lui a annoncé que son père est décédé au combat. Son époux est décédé au combat ainsi que son frère. Savez-vous ce qu'a répondu cette femme? Maza fa'ala Rasulullah? Qu'en est-il du messager d'Allah? Alors ils lui ont dit: bi khair, bihamdillah, kama tuhibbin, il va bien, par la grâce d'Allah, comme tu le souhaites. Elle a dit: montrez-le-moi, je veux le voir. Alors ils lui ont montré. Par la suite, elle a dit: kullu musibatin ba'daka jalal, ay sarir, haqir, toute épreuve après toi, toute épreuve qui touchera autre que toi n'a pas d'importance. Rabi'a est au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il a amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'eau pour faire ses ablutions et ce dont il avait besoin. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: que souhaiterais-tu à Rabi'a? Rabi'a radiallahu anhu a répondu, être avec toi au paradis. Être avec toi au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et autre que ça, veux-tu autre que ça? Désires-tu autre que cela? Il a répondu, Wadak ya Rasulallah. C'est la seule chose que je veux. Être avec toi fil jannah. Être avec toi au paradis. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar n'a pas supporté d'entendre que son bien-aimé, il ne pourra plus parler avec lui fi dunya. Il n'a pas cru en cette information avant de le voir et de l'avoir vérifié. Au point de dire, celui qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé, je lui trancherai la tête. Jusqu'après avoir reçu la confirmation de la part de Abu Bakr radiallahu anhu. Et lors de son califat, lorsque la mort s'est présentée à lui, il a envoyé Abdullah ibn Omar trouver Aïcha radiallahu anha pour lui demander l'autorisation d'être enterré à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha a répondu, j'avais gardé cette place pour moi, mais je lui accorde cette place. Abu Sufyan, avant son islam, a dit, je n'ai jamais vu des hommes aimer un autre homme comme les compagnons du prophète ont aimé, comme les compagnons de Mohammed l'ont aimé. Bilal radiallahu anhu, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'arrivait plus à faire l'adhan. Il ne supportait plus de marcher dans les rues de Médine sans croiser son bien-aimé. Il a donc demandé la permission à Abu Bakr de partir de Médine et il est parti fi Sham. Abu Bakr lui a demandé de revenir, il n'est pas revenu. Puis Omar lui a demandé de revenir lors de son califat, il n'est pas revenu. Et lors d'un voyage fi Sham, Omar est revenu avec Bilal à Médine. Et il lui a dit, fais l'adhan comme tu le faisais au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir insisté, Bilal a fait l'adhan. Et tout le monde n'était pas au courant de sa venue à Médine. Ils ont reconnu sa voix. Si ce n'est que Bilal n'a pas réussi à prononcer le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est mis à pleurer longuement et l'ensemble des compagnons a pleuré avec lui. Lorsqu'ils ont entendu son nom et la voix de Bilal, car ils ont su qu'il n'allait pas venir comme à son habitude pour faire la salat, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous n'avons pas eu l'occasion de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous avons hérité de son message et de sa voix. Et ici une grande question qu'on doit tous se poser. Nous n'avons pas cité ces histoires pour passer le temps. Mais la question que je t'adresse, mon frère, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été là, est-ce qu'il aurait été satisfait de tes actions? Est-ce que tu suis le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ta croyance? Est-ce que tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tes paroles? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aime pas le shirk. Est-ce que tu as du shirk dans tes actions? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aime pas le bid'ah. Est-ce que tu as des innovations dans tes actions? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aime pas la division. Est-ce que tu divises la communauté? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aime pas les troubles. Est-ce que tu ramènes des troubles dans la communauté? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aime pas l'injustice. Est-ce que tu opprimes les serviteurs d'Allah azza wa jal? C'est la question qu'on s'adresse, cher frère. Est-ce que tu es resté sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La voix des pieux prédécesseurs qui nous a été transmise de la meilleure façon. Voici la question qu'on s'adresse. Et pour finir, celui qui veut voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il ne l'a pas vu fi dunya, qu'il sache qu'il pourra le voir yawm al-qiyamah et fi al-jannah s'il suit sa voix. Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit qu'un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ya Rasulallah matassa'a, au messager d'Allah, à quand l'heure? C'est-à-dire de la fin du monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa ma a'adatta laha. Et qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour? L'important n'est pas le moment, mais qu'est-ce que tu as comme provision pour rencontrer Allah azza wa jal? Alors, ce bédouin s'est arrêté un moment et a répondu, je n'ai pas préparé beaucoup de prières, ni beaucoup d'aumônes, ou bien ni beaucoup de jeûnes, si ce n'est que j'aime Allah et son messager. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, anta ma'a man ahbabt, tu seras avec ceux que tu as aimés. Alors Anas ibn Malik nous dit, nous n'avons jamais été heureux comme le jour où on a entendu ce hadith. Nous n'avons jamais été heureux comme le jour où nous avons entendu ce hadith. Et je vous prends à témoin. Il dit que j'aime Abu Bakr, j'aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'aime Abu Bakr, j'aime Omar. Et j'espère qu'Allah me ressuscitera avec eux, même si je n'ai pas les mêmes actions. Et nous nous disons, nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ensemble des compagnons, et on espère qu'Allah azza wa jalla nous ressuscitera avec eux. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahshurana ma'ahum yawm al-qiyamah. Allahumma aghfir lana dhunubana. Allahumma aghfir lana dhunubana. Allahumma aghfir lana dhunubana. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna al-jannah. Allahumma adkhilna al-jannah. اللهم ادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم اغفر لآبائنا. اللهم اغفر لأمهاتنا. اللهم اشف أمهاتنا. اللهم اشف أمهاتنا. اللهم اشف أمهاتنا واشف آباءنا. اللهم ارحمهم. اللهم ارحمهم. اللهم اصلح ذريتنا. اللهم اصلح ذريتنا. اللهم اصلح ذريتنا. يا رب يا رب يا كبير يا متعال. من أراد بدعوتنا سوء، من أراد بدعوتنا سوءا دمره تدميرا، دمره تدميرا. من ظلم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بالتمثيل أو الكلام القبيح فاقتله في الدنيا وعذبه في الآخرة. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن